choix d'un monde entier. Tonnerre de rage d'un ciel déchaîné. J'aime entendre cette voix céleste parlant au monde plein de tristesse, parlant d'amour sans chagrin, d'amour qui n'est pas de fin. Alors Jupiter promet un arc-en-ciel de bonheur. J'aime entendre pleurer une fille sur mon cœur tout à repentir. Car ses yeux.